Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis juste là pour permettre aux intervenants de la table ronde qui va suivre de prendre place. Alors, c'est une table ronde, c'est une vue de l'esprit, comme vous le voyez, mais la solennité des lieux ne nous permettait pas d'organiser à proprement parler une table ronde, c'est une tribune, mais pour autant, comme vous le savez, l'objectif de cette tribune, c'est aussi de pouvoir favoriser les échanges avec vous-même, puisque, comme vous le voyez dans le programme, il y a des temps assez conséquents qui sont réservés justement à l'échange. En discutant d'ailleurs avec les différents intervenants de l'organisation de notre matinée, il nous est apparu peut-être plus cohérent que de faire se succéder les deux tables rondes, quitte à ce que d'ailleurs ainsi les échanges, les paroles de nos intervenants soient éventuellement plus généreuses, et nous réserverons un temps d'échange un peu plus long à la fin de notre matinée, sachant qu'il nous est apparu peut-être un peu artificiel de séquencer les échanges entre vous et les différents intervenants à la fin de chacune des deux tables rondes, qui ne sont jamais qu'une façon quand même d'aborder, peut-être avec deux visions qu'on espère convergentes en tout cas, mais deux visions différentes, le même sujet. Donc ça nous est paru plus intéressant d'entendre d'abord les différents intervenants s'exprimer, vous faire part de leur position, de leur analyse sur chacun des sujets qui sont l'objet majeur de leur table ronde, puis nous aurons ce temps long d'échange. Voilà, avant de donner tout de suite la parole à Catherine Younges, qui va donc animer la première table ronde, je voulais tout particulièrement en remercier évidemment, remercier tous ceux qui ont accepté d'y participer. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de parité d'ailleurs dans la table ronde, mais je pense qu'on ne nous le reprochera pas. Et remercier tout particulièrement Hélène Laverdure, qui est la directrice des Bibliothèques et Archives nationales du Québec et qui est venue spécialement pour participer à cette matinée. Donc je la remercie infiniment, puisque dans les échanges qui ont précédé, je dirais, ce débat, on a beaucoup parlé de l'exemple canadien, mais aussi de l'exemple québécois. Et donc je pensais que c'était très important, après avoir entendu pour certains d'entre vous Normand Charbonneau, d'entendre Hélène Laverdure, qui est donc aujourd'hui la directrice de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc maintenant, Catherine, je vous laisse la parole, ainsi qu'aux membres de la table ronde. Merci beaucoup.